pour l'invitation. J'ai découvert le lieu assez impressionnant. Et donc, je suis juriste et je m'intéresse depuis longtemps au domaine du logement. Et évidemment, la question du squat rentre dans mes thématiques. Et on m'a demandé de vous parler ici de la proposition de loi récente qui vise à criminaliser le squat, ce que je fais bien volontiers. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, parler de cette proposition, et puis dans un second temps, voir peut-être, pour terminer par une note un peu positive, voir les vertus de ce qu'on appelle la convention d'occupation précaire ou temporaire, qui est un outil pour, entre guillemets, régulariser les occupations sans titre ni droit. Alors, d'abord, le cœur du propos, la proposition de loi qui a une date. Elle a été déposée le 2 avril 2015 et elle porte le numéro 54-1008/1. Je le dis surtout pour Vincent qui est féru des références et il a raison. Et c'est une proposition de loi, donc déposée il y a peu, par des parlementaires VLD. Donc, je vais examiner le contenu dans un instant. Peut-être d'abord brosser le cadre juridique du squat, ça va être vite fait. Il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction pénale du squat. Aussi étrange cela puisse paraître, il n'y a pas dans le code pénal un article qui interdit et qui punit l'occupation sans titre ni droit. Je vais utiliser les deux mots l'un pour l'autre, squat ou occupation sans titre ni droit. En droit, le squat n'existe pas. C'est l'occupation sans titre ni droit. Mais donc, ce n'est pas interdit. Par contre, sont interdits la violation de domicile et la destruction du bien d'autrui. Alors, je prends les deux, un par un. La violation de domicile. Domicile, c'est une notion tout à fait indépendante. Le domicile, ce n'est pas la propriété. Autant la propriété est un terme de droit, un terme administratif, autant le domicile, c'est un terme de fait, qui reflète une situation de fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez très bien installer votre domicile là où vous n'avez pas de droit. Le domicile, c'est simplement là où on vit, là où on séjourne de manière effective, quel que soit le lieu, quelle que soit la légalité du lieu. Et la commune est tenue d'ailleurs de vous inscrire dans le registre de la population, là où vous vivez, indépendamment de la régularité de votre installation. C'est ce qu'on appelle la loi sur la domiciliation ou l'inscription dans le registre de la population. Tout le monde y a droit, quel que soit ce lieu. Et de manière emblématique, on a pu domicilier un sans-abri sur ce banc-là, malgré que ce soit une urbain logement, mais c'est là qu'il habite la plupart du temps, c'est là qu'il passe la majeure partie de l'année. Et donc, c'est un peu caricatural, mais c'est un exemple réel, ça montre, oui. Moi, je parle ici sous le contrôle de, est-ce qu'on fait déjà des questions maintenant ou pas ? Moi, je suis à votre disposition. Je reviens sur ma notion de domicile, c'est une notion factuelle. Donc, sont interdits, je disais, non pas le squat, la violation de la propriété d'autrui, mais la violation de domicile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le squatteur, s'il parvient à ne pas détruire du matériel, à ne pas faire une effraction, ça aussi c'est interdit, comme je le disais, s'il parvient à rentrer dans le bien d'autrui sans faire d'effraction, sans détruire, et que le squatteur installe son domicile parce qu'il habite effectivement là, vous me voyez peut-être venir, non seulement le squat n'est pas interdit, mais la situation du squatteur est protégée. C'est lui qui, maintenant, est titulaire de ce domicile, même si ce n'est pas légal, et le squatteur a le droit de s'opposer à une visite de la police sans mandat, parce que, ce faisant, la police viole le domicile d'autrui. C'est un peu particulier, mais notre loi est ainsi faite. Et il y a quelque chose de contre-intuitif pour la part de ces députés fédéraux VLD, de dire, ça, c'est la meilleure. Des squatteurs débarquent, hop, ils n'ont pas l'autorisation, et puis après, ils appellent la police pour les protéger. C'est quelque chose de difficile à comprendre, Et l'accélérateur de toute cette réflexion, ça a été le squat par des Roms à Gand, il y a quelques mois, d'une maison, des propriétaires qui étaient en vacances. Et en vacances de longue durée, des Roms sont arrivés dedans et finalement, ils ont pu invoquer leur domicile. Et ça, ça a convaincu les autorités d'accélérer le traitement de cette proposition de loi. Donc, sur le plan juridique, voilà ce qui est permis et ce qui est interdit. D'où le dépôt de la proposition de loi pour mettre fin à ce que certains présentent comme une absurdité, proposition de loi qui a des termes assez durs dans ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire la justification, pas les articles eux-mêmes, mais le blabla qui argumente l'adoption des articles. Alors, on dit que les immeubles inoccupés sont, je cite, la proie des squatteurs qui foulent au pied le droit de propriété, que les immeubles squattés sont, je cite, rarement laissés dans un meilleur état que celui de départ, toutes des propositions qui sont infirmées par les faits. Quand il y a du squat, souvent le bien, enfin souvent quasi tout le temps le bien, est inoccupé évidemment, donc il n'y a pas de domicile. Le bien est laissé en meilleur état après qu'avant, puisqu'il n'y a rien qui dégrade plus un logement que l'inoccupation. L'inoccupation, c'est catastrophique pour le propriétaire parce que la pluie rentre dedans, la moisissure où on vole des matériaux, et donc il n'y a rien qui entretient mieux un logement que l'occupation, fût-elle illégale. Mais il n'empêche, voilà le genre de développement, le genre de justification de cette proposition qui consiste en une chose, c'est dans l'article 439 du Code pénal qui donc punit la violation du domicile, on ajoute, je schématise un petit peu juste, ou plutôt on enlève un adjectif, jusqu'alors cet article du Code pénal dit on viole le domicile, attendez, je vais vite reprendre le terme exact, ouais, Oui, avant dans le Code pénal, on disait qu'il n'y avait pas de violation de domicile si le bien n'était pas habité, et donc il n'y avait violation du domicile que si le bien était habité, et dans la proposition de loi, on a enlevé l'adjectif habité. Donc, il y a violation de domicile dès qu'on s'introduit chez autrui, que ce bien soit vide ou pas. Et donc, par la simple suppression d'un adjectif, l'adjectif habité, on va maintenant pénaliser, donc c'est-à-dire rendre passible de sanctions pénales, pénaliser le simple fait d'entrer dans le logement appartenant à autrui, même si ce logement est inoccupé. Et les peines, elles ne changent pas, c'est toujours un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 ans et une amende. Qui va de 26 euros à 300 euros, mais il faut multiplier par 55, je crois, ça change chaque année, ça augmente chaque année. Donc, voilà exactement ce que dit la proposition de loi. Et c'est pas neuf. Je dis pas que c'est anodin, mais c'est pas la première fois qu'on a une proposition de loi qui vient incriminer le squat. Les vieux de la vieille ici s'en souviendront peut-être, mais il y a 10-15 ans, on avait déjà une proposition de loi du ministre de la Justice, Van Parijs, c'est un CDNV. On en a eu d'autres entre-temps. Et maintenant, c'est le énième avatar de cette entreprise de criminalisation du squat. Mais ici, il y a quand même une double circonstance inquiétante quand même. La première circonstance, c'est qu'on est dans un gouvernement fédéral fort de droite. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, on n'a jamais eu de gouvernement de droite aussi de droite depuis perpète. Deuxième élément inquiétant, c'est que, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails juridiques, jusqu'alors c'était une proposition de loi, c'est-à-dire elle était portée par un parlementaire. Donc elle n'avait pas une chance très élevée d'aboutir. Malheureusement, dans notre démocratie, qui n'a souvent démocratie que le nom, ce n'est pas le Parlement qui conçoit les lois, c'est le gouvernement. Et le gouvernement conçoit des lois et puis il les dépose au Parlement qui n'a plus qu'à les voter. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un projet de loi. Donc à la base, c'était une proposition de loi, donc portée par un parlementaire. C'est un peu chaque parlementaire a sa marotte. Chaque parlementaire essaye de pousser ses petites thématiques préférées. Mais in fine, c'est le gouvernement qui décide de l'agenda, des lois qu'on vote et tout. Ici, cette proposition de loi, à la suite de l'affaire des Romagan, a été récupérée par le gouvernement et transformée en projet de loi. Maintenant, ce n'est plus la proposition de loi des parlementaires VLD, c'est le projet de loi du ministre Gaetz, le ministre de la Justice. Donc c'est indicatif d'une volonté du gouvernement de s'emparer de l'affaire et de la transformer en loi effectivement votée. Donc je crois qu'on n'a jamais été aussi près d'une adoption d'une loi qui criminalise le squat. Mais ce n'est pas tout. Ce projet de loi, proposition de loi, a été discuté en Parlement et les parlementaires ont déposé des amendements. Même s'il s'agit d'un projet-là, les parlementaires peuvent toujours l'étoffer ou le réduire par des amendements. Et les amendements vont plus loin encore que le texte initial que je vous ai décrit. L'amendement rajoute plusieurs choses. Un, l'amendement nous dit que non seulement c'est répréhensible de s'introduire dans le logement d'autrui, même non habité, mais il nous dit aussi, et j'ai une feuille, voilà, il nous dit aussi que celui qui ne se soumet pas à un jugement d'expulsion est aussi passible de sanctions pénales. Alors ici, je fais une petite digression. Quand je vous ai dit que ce n'était pas interdit de squatter, je me suis placé d'emblée sur le plan du pénal. Quand on dit interdit, ça vise toujours le pénal. Mais évidemment, en droit, il y a un autre plan, il y a le plan du civil. Et sur le plan du civil, là, on peut, le propriétaire peut saisir le juge de paix pour vous mettre dehors. Mais il n'y aura pas de sanction pénale, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas d'emprisonnement. Mais sur le plan civil, vous avez le droit, enfin le propriétaire a le droit, évidemment, de vous expulser, sinon on ne serait plus tellement dans un état de droit. Eh bien, si vous vous opposez à une expulsion civile, alors vous tombez sous le coup d'une sanction pénale. Deuxième ajout par les amendements, et il est plus problématique encore, c'est un ajout qui permet au procureur du roi, c'est-à-dire au ministère public, de vous expulser dans un délai de 8 jours. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est révolutionnaire, et je vais vous expliquer pourquoi en évoquant devant vous l'avis du Conseil d'État. Mais troisième élément supplémentaire apporté par les amendements, c'est de dire que dans cette procédure civile pour vous mettre dehors, je dis vous, pour mettre dehors le squatteur, on va dire, c'est un peu pour personnaliser le propos, on peut désormais introduire l'action, alors je ne vais pas tomber trop dans le jargon juridique, mais enfin il y a un minimum, on peut introduire l'action sur un mode de la requête unilatérale. La requête unilatérale, ça veut dire que vous n'êtes pas tenu informé de l'introduction de l'action. Boum, vous êtes juste tenu informé de la décision. Et donc la décision, elle tombe, et vous n'avez rien vu venir, et clac, on peut vous mettre dehors. Et donc, c'est quelque chose qui est assez lourd. Ça veut dire que l'expulsion peut avoir lieu sans que le squatteur soit tenu au courant. Et donc, troisième ajout des amendements, c'est de dire que cette procédure civile d'expulsion peut être introduite par voie de requête unilatérale, donc la personne attaquée n'est pas mise au courant. Et deuxième effet de la requête unilatérale, c'est que ça va extrêmement vite, dans les 2 jours, décision est prise. Donc, c'est quasi instantané. Autre conséquence attachée à l'arrêt unilatéral, le jugement d'expulsion ne doit même pas être signifié à la personne elle-même, au squatteur, non. Ça peut juste être affiché sur l'immeuble. Ça suffit pour porter à la connaissance du squatteur le jugement. Donc tout est fait pour rendre très très très expéditive la procédure civile d'expulsion. Et tous ces amendements ont été intégrés, votés. Ça veut dire que cette proposition au projet de loi, à la fois induit une pénalisation du squat et un renforcement de la sévérité de la procédure civile du squat aussi. Donc, sur les deux plans, pénal et civil, il y a un tour de vis sérieux qui est donné. Alors, attention, on est toujours ici qu'au stade de la discussion parlementaire. Le projet n'est pas voté. Je ne sais pas exactement où il en est dans les discussions parlementaires. Est-ce que le vote est imminent? Et ça, je ne me suis pas renseigné, mais il faut peut-être activer des réseaux. Je ne sais pas très bien à quelles raisons on pourra encore activer dans cette majorité-là, mais on a quand même l'opposition au Parlement et l'opposition doit donner de la voix. Et je sais en tout cas que, pour avoir été personnellement sollicité par eux, l'associatif flamand est très en point dans ce combat. Alors, pour terminer sur cette première partie, sur la proposition de squat, dire que, heureusement, dans notre état de droit, on a une instance qui est chargée de donner un avis en légalité sur le projet de loi. Cette instance s'appelle le Conseil d'État. Le Conseil d'État ne va pas donner un avis sur l'opportunité du texte, c'est-à-dire dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut pas, non, mais un avis en légalité, c'est-à-dire est-ce que le texte en projet est conforme à des normes supérieures. Et le Conseil d'État a évidemment visé ce texte-là. Et le Conseil d'État a bien fait son boulot, puisque le Conseil d'État pose des questions qui sont interpellantes. Alors, ce n'est qu'un avis. Dans une démocratie, même si elle est un peu phagocytée par l'exécutif, comme je dis, mais dans une démocratie, le dernier mot revient toujours aux représentants élus. Le Conseil d'État n'est pas élu, mais donc les parlementaires ont le droit de s'asseoir sur l'avis du Conseil d'État, de ne pas en tenir compte. Ça, c'est la règle du jeu. Il n'empêche, les arguments du Conseil d'État sont interpellants, disais-je. Pourquoi ? Ben, d'abord, le Conseil d'État nous dit, à juste titre, attention, jusqu'ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas la violation de la propriété qui est condamnée, c'est la violation du domicile. Or, le mot domicile, la protection du domicile, n'est pas qu'une notion de droit belge, c'est une notion qui est consacrée aussi en droit international. Et le droit belge est censé se conformer au droit international. Et dans le droit international, on vise essentiellement la Convention européenne des droits de l'homme, qui dans son article 8, justement, promeut le droit au domicile et au respect de la vie privée. Donc, par la protection du domicile, c'est vraiment la vie privée que l'on veut protéger, c'est ce que nous dit de manière très claire l'article 8 de la Convention européenne. Et pour faire respecter cette convention, il existe une cour, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne les États dont les lois violent la Convention. Et dans la longue jurisprudence de la Cour européenne, on a plusieurs fois souligné que la protection du domicile vaut indépendamment du caractère illégal de ce domicile. Et une des affaires un peu emblématiques, c'est quelqu'un qui vivait dans un bidonville, un baraquement qu'il avait construit, et ce baraquement avait été soufflé par une explosion de gaz, c'était en Turquie, et la cour a condamné l'État turc pour avoir laissé se produire cette explosion de gaz. Donc, puisque le droit au domicile est effectif, l'État turc aurait dû prendre toutes les mesures positives pour empêcher cette explosion de gaz et permettre à l'intéressé de continuer à vivre de manière illégale dans son domicile qui était un baraquement de fortune sur un lieu interdit. Donc ça veut dire que la Cour dit non seulement il faut tolérer le droit au domicile, mais même il faut le protéger activement en prenant une série de mesures concrètes pour éviter de perdre son domicile. Alors, la Cour constitutionnelle, en droit belge, qui est l'instance judiciaire suprême, on va dire, elle est tenue de suivre l'enseignement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour constitutionnelle dit il faut aussi protéger le domicile. Certes, dans des cas exceptionnels, on peut réduire ce droit, mais la norme, c'est la protection. Et la norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour protéger le droit au domicile, il faut passer par un juge. Or, je vous ai dit tantôt, un ajout des amendements, c'est que le procureur peut ordonner l'expulsion. Et le procureur, je dis, c'est le ministère public. Le ministère public n'est pas un juge. Le ministère public, il est dépendant, il est sous la coupe hiérarchique du ministre de la Justice, procureur du roi. Donc, le ministère public, c'est toute une pyramide de personnes qui sont censées représenter la société et qui agissent sur injonction du ministre de la Justice. Donc, quand vous entendez procureur du roi, avocat général, tout ça, ce sont des membres du ministère public. Et ils ne sont pas indépendants. Et donc, le Conseil d'État dit, attention, il y a là un risque fondamental de confier au procureur du roi la décision d'expulser sans passer par un juge. Alors, certes, il y a un recours qui est prévu au juge de paix, un recours contre la décision du procureur du roi, mais ce n'est qu'un recours, c'est en degré d'appel. La première décision, elle, est prise par une entité qui n'est pas indépendante. Et ça, le Conseil d'État dit, danger, ça ne va pas. Dans une démocratie, le juge, lui, fait la part des choses et peut refuser l'expulsion. Au vu des éléments, tandis que le procureur du roi, qui est sous la coupe du ministre de la Justice, ministre de la Justice qui lui-même porte le projet de loi, mais le procureur du roi, il n'a lui pas l'indépendance pour, le cas échéant, refuser l'expulsion. Et le Conseil d'État dit, attention, ça c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est une dérive. Et donc, le Conseil d'État dit, il faut d'abord voir si, en passant par un juge, on ne parvient pas à obtenir le même résultat. Donc le Conseil d'État ne remet pas en cause l'objectif de faciliter l'expulsion des dissuader le squat. Je vous ai dit, le Conseil d'État ne donne pas un avis en opportunité, mais le Conseil d'État dit, attention, on touche ici à des fondements d'État de droit, voyons si on ne peut pas obtenir le même résultat avec un moyen qui est moins attentatoire à l'État de droit. Donc, le procureur du roi, lui, c'est attentatoire. Alors, le Conseil d'État dit, ok, si vraiment on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, il faut passer par le procureur du roi, le juge, ça prendrait trop de temps, que sais-je, alors, dit le Conseil d'État, il faut une série de garanties. Et ces garanties disent, un, il ne faut pas que la décision du procureur soit automatique. Il faut vérifier chaque cas individuellement. Ça ne peut pas être un copier-coller. Il faut faire un examen casuistique, au cas par cas. Deuxièmement, le Conseil d'État dit, attention, il y a la présomption d'innocence. On est certes dans une procédure civile d'expulsion, mais il y a une règle qui est que une autorité ne peut pas porter atteinte à la présomption d'innocence en ordonnant l'expulsion civile. Eh bien, c'est clair que ça risque de déteindre négativement sur la réputation de l'intéressé. Et au niveau pénal, le squatteur va avoir déjà un préjugement contre lui, puisqu'il aura été expulsé civilement. Le Conseil d'État dit, attention, votre expulsion ultra rapide sur le plan civil risque de porter atteinte à la présomption d'innocence dans le cadre de l'action pénale, parce que l'action civile et l'action pénale, ce sont deux choses différentes. Donc l'expulsion d'un côté et l'action pénale avec l'emprisonnement de l'autre, ce sont deux actions un peu indépendantes. Troisième remarque du Conseil d'État, il dit, ça ne va pas que, en l'état du texte, le squatteur ne soit pas entendu. L'expulsion, puisque c'est sur requête unilatérale, l'expulsion peut se faire sans même entendre le point de vue du squatteur. Et ça, le Conseil d'État dit, ça ne va pas. Et quatrième remarque du Conseil d'État, il dit, ok, on instaure un recours auprès du juge de paix, certes, mais pour que le recours soit effectif, il faut alors dire expressément que la décision d'expulsion sera suspendue tout le temps du recours auprès du juge de paix. Le Conseil d'État dit que ce serait contradictoire de dire d'un côté il y a un recours, mais de l'autre de ne pas rendre l'appel suspensif. Et donc, voilà, ce sont des arguments évidemment tout à fait pertinents que je rejoins à 100%. Et on en est là. Je ne sais pas ce que les parlementaires vont en faire. Mais s'il y a un moment où il faut faire du lobby, c'est maintenant, ça c'est clair. Alors pour terminer, je le disais, par une note plus positive, cette proposition, projet de loi sur la criminalisation du squat va complètement à contre-courant des tendances observées sur le terrain ou dans les régions. Les pouvoirs publics eux-mêmes n'ont de cesse, à juste titre, que de régulariser des squats. De dire, plutôt que d'envoyer l'artillerie, de les expulser manu militari, de toute façon les squatteurs reviendront dans un autre logement vide, c'est un jeu sans fin. Depuis un certain temps, les pouvoirs publics ont compris l'intérêt qu'il y avait de jouer avec ce phénomène plutôt que d'essayer de le combattre véhément. Pouvoir public et même propriétaire privé parfois. Alors je ne vous apprends peut-être rien, mais à Bruxelles, quantité de squats ont été de la sorte régularisés, souvent parce que le propriétaire est public, qu'il s'agisse du 123 rue Royale qui appartient à la région Wallonne, de la poissonnerie rue du Progrès qui appartient à Frabel, d'un autre squat qui appartient à CityDev. Il y en a plein. On ne va pas faire l'inventaire ici. Les sociétés de logement social aussi jouent avec le phénomène plutôt que de le faire refluer prétendument. Et donc, c'est un projet de loi qui est tout à fait anachronique, qui sert un but d'abord politique. Il faut rassurer les électeurs, bien montrer que ce gouvernement agit de manière efficace sur le phénomène. Mais non, dans les faits, ce n'est pas efficace. Et si je me place au plan de la région, quel est l'outil juridique pour régulariser le squat? C'est ce qu'on appelle la convention d'occupation précaire ou temporaire, qui est une espèce d'ersatz de bail. C'est comme le Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça goûte l'alcool. Non, ça, bon, bref, vous avez compris. Bon, c'est une vieille pub, hein, je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de ça. Mais donc, ça ressemble à un bail, mais ce n'est pas un bail. C'est une manière d'instaurer un cadre juridique aux relations d'occupation, mais qui n'est pas du bail. Parce que quand vous tombez dans le bail, il y a une série de règles très contraignantes qui s'appliquent en termes de durée, en termes de préavis, en termes de garantie locative, etc. Et les occupants, ni le bailleur non plus, n'ont envie de s'inscrire dans ce cadre strict. Les parties, et le bailleur surtout, veulent garder un peu leur liberté, notamment leur liberté de mettre fin à l'occupation dans des délais courts, sans motif, etc. D'où tous ces propriétaires passent avec les occupants des conventions qui sont acceptées par tous et qui d'ailleurs acquièrent une pérennité qui font que le caractère précaire de l'occupation n'existe plus. Au 123, ils viennent de fêter leur 10e anniversaire. Pour une occupation dite précaire, c'est pas mal. Alors on le sait en Belgique, c'est un grand classique, rien n'est plus durable que le provisoire. Comme les facilités dans les communes périphériques qui devaient s'éteindre après je ne sais combien de temps, non, elles sont toujours là. Et donc, ça, c'est typiquement belge. Une fois que c'est installé, c'est là pour durer. Et les pouvoirs publics ont tellement ancré l'idée de la convention d'occupation précaire dans leur mode de fonctionnement que, petit 1, la convention d'occupation précaire a fait son entrée dans le code du logement. Donc c'est un type d'habitat officiel parmi d'autres, à côté du bail par exemple, c'est mis dans le code du logement. Et petit 2, la région alloue chaque année un subside de 100 000 euros à une agence qui est chargée d'encadrer les occupations précaires, de les aider juridiquement, matériellement, de donner des conseils, d'accompagner les locataires. Donc le nom un peu ronflant, c'est l'agence d'occupation temporaire, mais concrètement, c'est un office qui est assumé par la FEBU, qui est l'acronyme de Fédération Bruxelloise de l'Union pour le Logement, et donc la FEBU est payée pour encadrer toutes ces occupations précaires. Alors il faut toujours, à la base, qu'il y ait une convention, donc la région n'est pas là pour, en quelque sorte, pousser au crime, si je puis dire, d'aller favoriser des occupations qui, certes, ne sont pas encore interdites sur le plan pénal, mais restent illégales sur le plan civil. Donc la région ne va pas jusque-là. Mais dès qu'il y a convention, dès qu'il y a négociation réussie avec le propriétaire, là, tout l'arsenal réglementaire et pécuniaire de la région se met en branle pour stabiliser l'occupation et la faire grandir et se développer. Alors, je dis bien, il faut d'abord qu'il y ait un accord, et je sais, il y a des gens ici qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet accord et qui ont quand même dû être expulsés, mais c'est un élément supplémentaire pour dire que cette convention est bien ancrée maintenant dans les mœurs. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que doit contenir ou pas une convention. On peut y revenir pendant les questions-réponses, mais en tout cas, elle existe et elle marche. Voilà pour mon petit exposé. Et maintenant, je suis à votre disposition pour toute question. Pour rebondir justement là-dessus, il y a eu, je pense, il y a un an et demi, une occupation qui a été cassée par un arrêté communal constitué par un bourgmestre de l'agglomération bruxelloise, à relever, je pense. Il y a 2 000 euros qui ont été mis sur la table pour aller au Conseil d'État et casser cet arrêté communal. Il y avait pas d'occupation précaire, et même avec l'appui du propriétaire du bâtiment, le Bourgmestre a dit « on refait un seul compte arrêté communal, donc remettez 2 000 euros au Conseil d'État pour recasser ça et venez-y ». Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, votre remarque est tout à fait pertinente. C'est encore un autre registre, c'est le registre de la salubrité. Alors bon, je n'ai pas l'arrêté sous les yeux, hein, mais le bourgmestre, il a en effet le pouvoir de vider n'importe quel bien, pas simplement un squat, il peut vider n'importe quel bien, mais pour une raison précise. Donc si le champ d'application est très large, la motivation elle est très stricte, c'est un risque d'atteinte à l'ordre public. Alors, je connais ni l'arrêté, je l'ai dit, ni le bien. Mais si le bourgmestre estime que le bâtiment menace ruine, le bâtiment est un foyer d'infection, le bâtiment met en péril l'intégrité physique des occupants, que sais-je, dans ce cas-là, la loi communale autorise le bourgmestre, pour prévenir tout risque d'atteinte à l'ordre public, donc la loi autorise le bourgmestre à prononcer un arrêté d'inhabitabilité. Mais c'est la seule motivation possible. Le bourgmestre ne peut pas dire « j'ordonne l'évacuation du bien parce que c'est un squat ». Le bourgmestre n'a pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, je l'ai dit, c'est uniquement du ressort de la justice civile. Il faut un juge, le juge de paix en l'espèce. Le bourgmestre ne peut pas se substituer à un juge, sauf s'il y a risque d'atteindre l'ordre public. Alors, je ne vais pas me prononcer sur l'opportunité d'aller ou pas en justice. Il faut lire l'arrêté, mais c'est clair que si l'arrêté ne comporte pas une motivation de ce type-là, ah ben alors là, il y a des chances raisonnables de gagner devant le Conseil d'État. Parce qu'il y a une... Mais vous avez perdu, donc. Quand il y a une volonté du bourgmestre de revenir avec d'autres arguments, parce qu'ils l'ont cassé au Conseil d'État, l'arrêté communal, mais le bourgmestre leur a promis d'en faire un autre arrêté communal. Donc, voilà, c'était à relever, quoi. Alors, oui, c'est le pot de terre contre le pot de feu. Ça, c'est, là, on est vraiment face à de la mauvaise foi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est demander au Conseil d'État de pouvoir faire porter par la partie condamnée les frais de justice. Alors, je ne suis pas avocat, je ne pourrais pas vous dire si ça a des chances d'aboutir ou pas, mais... Ça, c'est la piste de solution que je peux vous donner. Mais en effet, à un moment donné, si le pouvoir politique veut absolument, il faut être bien armé. Maintenant, petite digression, je connais des associations qui ont dans leur mission celle d'aider financièrement les actions en justice qui visent à promouvoir le droit au logement. Et je sais que parfois ce fonds n'est pas utilisé parce que les gens ne le connaissent pas. Et donc les associations ont parfois ce genre de petite poire pour la soif, mais qui peut être d'une utilité très très précieuse. Ça, mais si on ne les utilise pas, évidemment, si on ne les connaît pas, on ne les utilise pas. Mais en effet, là, je n'ai pas de solution déjà. Si ce n'est que de dire que sur le plan du droit, c'est pas légal et la condamnation par le Conseil d'État est la cause. Ou alors il faut alerter la presse ou que sais-je, hein, s'il y a une mauvaise volonté partante. Pour avoir l'avance, est-ce que c'est juste Oui. Enfin, c'est encore. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Normalement, toute infraction pénale peut donner lieu à une action sans plainte. C'est-à-dire que, puisque c'est une infraction pénale, c'est la société elle-même qui est troublée, l'ordre public est troublé, et le ministère public qui représente la société peut, même sans plainte d'un particulier, le ministère public peut enclencher une action pénale. Ici, il y a une petite exception. L'infraction pénale de squat, pour être enclenchée, doit faire l'objet d'une plainte. Donc, plainte maintenant du propriétaire. Bon, cela dit, il y en aura sûrement une. Hein. Toute cette réflexion-là, elle est née du fait que les propriétaires, ils étaient démunis. Ils voient des squatteurs chez eux, ils se disent bah, « fastoche, je n'ai qu'à appeler la police et montrer mon titre de propriété ». Et la police disait « ben non, désolé, c'est un domicile ». Donc, on peut raisonnablement penser que plainte il y aura. Dans ce cas-là, non. Parce que l'infraction, par exception, ici, requiert une plainte. Donc, une infraction pénale, c'est pour le moment, c'est pas une infraction. Non, non, donc quand on dit infraction, c'est toujours du pénal. Oui, mais donc dans la nouvelle loi, il y a un volet pénal et le volet civil. Dans le volet pénal, c'est le fait d'incriminer. Attends, mais il faut que je la reprenne. Je vais essayer de vous lire ma phrase et tout. Donc, le procureur du roi peut ordonner à la demande du détenteur. Donc, il faut toujours une demande. Et nous, on a entendu d'abord, le bourgmestre, il n'a rien à voir là-dedans. Dans la loi squat, il n'a vraiment rien à voir là-dedans, mais il intervient uniquement sur base de l'ordre public. Ça ne change rien. Domicile n'est pas dépendant d'un type de bien, un logement plutôt qu'une usine. Le domicile, c'est partout où on vit, de manière effective. Une usine, des bureaux, ça ne change rien. Mais, donc, je me suis mal fait comprendre peut-être, je reprends. Le domicile, c'est vraiment une notion factuelle, une notion de fait. Ça veut dire, est votre domicile là où vous vivez? Ça, c'est clair. Donc, quel que soit le lieu là où on vit, c'est votre domicile. Même si c'est un banc public, une usine, un squat, un logement insalubre, tout fait domicile pourvu qu'on y vive. Alors, jusqu'alors, la loi réprimait non pas la violation de propriété, mais la violation du domicile. A contrario, si le lieu était inhabité, il n'y avait pas d'infraction pénale. Donc le squatteur qui rentre dans un lieu inhabité ne commet pas une violation de domicile, puisque le lieu est inhabité. Et ça a rien à voir avec la domiciliation. Alors, on y vient dans un instant, peut-être la domiciliation, comme ça je réponds à votre question. Ça n'a pas rien à voir, mais le rapport n'est pas en tout cas immédiat. Et dans la nouvelle loi, on dit, on retire le mot « habité ». Avant, on ne faisait une infraction de violation de domicile que si le lieu était habité. Maintenant, on dit que même si le lieu est inhabité, le fait de s'introduire dans le logement, dans l'immeuble d'autrui, est une violation de domicile. J'ai pas compris le début de ta question. tu veux, oui. On a rendu répréhensible la violation de propriété en tant que telle, et plus uniquement la violation de domicile. Et donc, même si le bien est inoccupé, vous faites une violation de domicile sur base de la nouvelle loi. Donc la nouvelle loi, en fait, qui n'est pas encore votée, la nouvelle loi, elle va dans l'article sur la violation du domicile, elle va, si on veut dire, changer le mot domicile par le mot propriété. Et techniquement, la nouvelle loi enlève le mot habité. C'est-à-dire, avant, c'était, vous faites une violation de domicile si vous entrez dans le logement habité appartenant à autrui. A contrario, s'il n'est pas habité, vous ne faites pas une violation de domicile. En enlevant le mot habité, ça veut dire que vous faites une violation de domicile dès que vous entrez dans le logement d'autrui, fût-il inhabité. Même si c'est pas un logement, oui. Quand je dis logement, c'est pour aller vite, mais la loi dit immeuble. Et immeuble, ça peut être tout ce qu'on veut. Maintenant, d'abord, la domiciliation, peut-être parce qu'alors on va croire que je repousse cette question et que cette question qui me met mal à l'aise, pas du tout. Alors, la domiciliation, je l'ai dit, c'est l'obligation pour la commune de vous inscrire dans les registres de la population si tant est que vous prouviez que vous avez votre domicile là. Donc il y a quand même un lien évident, c'est que la commune, au moment de vous inscrire, elle n'a pas le droit de refuser ce domicile parce que, par exemple, c'est un squat, parce que, par exemple, le bien est insalubre, parce que, par exemple, le bien est en infraction urbanistique, comme faire les chalets en zone d'habitat permanent en Wallonie, les yourtes, etc. La commune n'a pas le droit, pourvu que vous puissiez prouver que vous habitez réellement là. Donc la commune n'a pas le droit parce que la domiciliation, comme le nom le dit bien, se base sur le domicile, qui est une notion de fait. Malheureusement, les communes qui doivent inscrire et faire respecter la loi, les communes voient d'un mauvais œil l'arrivée de personnes dans des logements au mieux alternatifs, au pire insalubres ou illégaux, type squat. La commune essaye, par tous les moyens, de plutôt orienter ce public-là vers la commune d'à côté, chez le voisin. Hop là, c'est facile. Et donc, le moyen illégal pour ce faire est de refuser la domiciliation en se drapant dans des motifs de droit qui sont le lieu est insalubre, le lieu n'est pas à vous, le lieu est urbanistiquement conforme. Des motifs de droit qui, pour autant, sont illégaux puisque dès que le domicile est avéré, dès que vous habitez vraiment là, vous avez le droit d'être domicilié. Et donc, malheureusement, la commune refuse et donc il faut combattre ça. Et dans ce cadre-là, une nouvelle loi, méchante loi, une loi scélérate, loi scandaleuse, qui a été votée par ce même gouvernement, hein, elle a été votée le 9 novembre 2015, je le dis pour quand même vous rendre attentif au danger ici du projet de loi, on n'est pas dans un gouvernement classique où il y avait toujours bien un parti qui tirait le frein à main, ici il n'y en a pas. Le parti le plus à gauche du gouvernement, c'est le CDNV, c'est dire. Mais donc, la loi du 9 novembre 2015 a introduit une double régression en matière de domiciliation. La première, c'est d'affecter d'un caractère éternellement provisoire, si je puis dire, l'inscription. Je m'explique. Les communes n'ont pas le choix, doivent inscrire, mais si le lieu est illégal, alors l'inscription est dite provisoire. Mais, sous le régime précédent, le caractère provisoire disparaissait après 3 ans. Je schématise un peu, mais après 3 ans, si la commune n'avait pas mis fin à l'illégalité, le caractère provisoire disparaissait et l'inscription était pleine et entière définitive. La nouvelle loi dit non, l'inscription restera provisoire tant qu'il n'aura pas été mis fin à l'illégalité. Et donc, l'inscription peut rester provisoire à vie. Bienvenue au pays de Magritte, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une inscription provisoire, mais si quand même, etc. Et il y a un problème, c'est que dans le même temps, la loi dit que tous les documents relatifs à cette inscription devront porter la mention provisoire. Et ça, c'est vraiment l'étoile jaune en plein, ça veut dire que tous ceux qui sont inscrits, eh bien, ils ne pourront plus cacher ce caractère provisoire. Si vous voulez vendre votre bien demain, il y aura marqué sur le papier de la commune, clac, inscription provisoire. Si vous demandez une composition de minage, clac, ce sera marqué au fer rouge inscription provisoire. Et il m'est revenu de manière convergente qu'une série de personnes qui sont visées par cette inscription, surtout dans les zones de loisirs en Wallonie, ces personnes-là, quand elles veulent vendre le bien, eh bien ça effraie l'acheteur qui, alors, va demander une ristourne du prix. Bref, ça c'est la première régression. Deuxième régression apportée par cette loi, c'est au niveau de l'instance de recours. Jusqu'alors, si la commune refusait la domiciliation, on pouvait porter son cours auprès du ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, lui, ne regardait pas, n'avait pas les préoccupations purement locales d'éviter que des marginaux s'installent sur le sol. Non, le ministre de l'Intérieur, lui, regarde juste la loi, c'est-à-dire la situation de fait du domicile, et le ministre de l'Intérieur dit, où est-ce que vous habitez ? Ah, montrez-moi des preuves de loyer, des preuves, des témoignages, des factures de gaz, etc. Et si ces preuves étaient apportées, boum, le ministre de l'Intérieur disait, ok, je vous donne votre domiciliation, renversant par là la décision du bourgmestre. C'est comme ça que beaucoup de squatteurs obtiennent leur domiciliation grâce à cette voie de recours, au 123 par exemple. Eh bien, la régression apportée par la loi, elle est la suivante, c'est que désormais, si la commune refuse, au motif justement que le bien est insalubre, le bien est un squat, le bien n'est pas conforme urbanistiquement, eh bien, dans ce cas-là, le recours ne peut plus être porté auprès du ministre de l'Intérieur et la loi ne dit plus où il faut former ce recours. Donc, clairement, c'est fait pour dissuader les gens de se domicilier quelque part et donc c'est fait pour dissuader les squats, dissuader l'habitat alternatif. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche et donc c'est une autre régression. Voilà, sur la domiciliation. Oui, juste sur la question, juste avant, par rapport au risque de pédo. C'est pour voir si du coup, dans ce que vous dites, il y a des risques au moment de l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a effraction au moment de l'ouverture et qu'on peut se faire arrêter même si c'est non habité et que le lendemain est vide. Je posais la question si la police a des preuves par après pour les renseigner par effraction, est-ce que ça constitue une autre pénale ou est-ce que la police le fait. Et est-ce que c'est le seul risque pénal, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres je parle surtout de, en cas d'expulsion, sans la papier pour partir, la résistance passive jusqu'alors, normalement, c'est-à-dire que par exemple d'un cadet est légale, il ne faut pas normalement nous apporter nous accueillir. Et en deuxième temps, donc, sur la domiciliation, je voulais juste poser la question comment on fait quand, parce que la plupart du temps, en fait, quand on arrive à la commune et qu'on dit qu'on est, que c'est notre domicile de fer, qu'on habite là, on nous demande des preuves de bail ou de facture d'électricité ou d'autres. Est-ce que c'est impératif d'avoir ces preuves-là, de bail, pour accueillir une domiciliation ou pas ? Ok. Alors. Première question. Enfin, les deux sont bien, bien tapés. La première question, et je ne l'ai pas dit en plus posée, mais il n'y a pas que l'entrée qui est pénalisée, le séjour aussi. Donc, même s'il n'y a pas d'effraction, même si on n'est pas pris sur le fait, quand on habite, c'est une infraction en soi. Le séjour est une infraction en soi. Donc, même sans rien casser. Donc, c'est le fruit des amendements. Au tout début, c'est l'introduction dans le bien d'autrui qui était visée. Et puis après les amendements, ça a étendu au simple fait d'habiter. Alors, sur l'obstruction à l'expulsion, alors là, ça déborde un tout petit peu mon domaine qui est le logement, mais quand même, je peux te répondre ceci, c'est que entraver le travail des forces de l'ordre est évidemment une infraction pénale aussi. C'est pas anodin. D'ailleurs, maintenant, il y a une action en justice pénale. La qualification exacte, c'est, je crois, entrave méchante à l'action des autorités, je ne sais pas quoi. Mais il y avait 6 passagers du vol, je ne sais plus, vers où, qui s'opposaient à l'expulsion de sans-papiers. Boum, la police est arrivée, ils se sont jetés sur les policiers pour empêcher. Bref, ils se retrouvent au tribunal, quoi. Donc, Oui, entraver de manière méchante, dit le code pénal, l'action de la police, c'est aussi une infraction. Mais maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va cumuler toutes les infractions. On va prendre l'infraction la plus lourde et, à mon sens, j'avoue que je ne connais pas les peines attachées à l'entrave méchante à l'action des autorités, mais je suis quasi sûr que c'est l'infraction de squat qui est plus lourdement sanctionnée. Enfin, il faut voir, quoi. Il faut voir. Une entrave gentille, oui, il faudrait mettre ça. Ah ben, vous risquez 2 ans d'emprisonnement et une amende colossale. Je reprends les chiffres. 26 à 300. Mais si vous voulez, je vais regarder. Après, je regarderai parce que les amendes du code pénal doivent être multipliées par un quotient, mais que je n'ai pas en tête ici. Mais je vais regarder après. Mais ce n'est pas que 300 euros. Il faut multiplier. La seconde question. Voilà, c'est le problème maintenant quand on les cumule. Je ne sais plus c'était quand on a une question. Très bonne remarque. Les communes, elles sont un peu dépourvues face à une demande de domiciliation parce qu'elles savent que c'est une situation de fait. Et donc, qui dit situation de fait dit on peut venir avec tout type de preuves, n'importe lequel. Et c'est pour ça que la commune se dit bon, ben, qu'est-ce qui va me prouver que cette personne habite bien là où elle le prétend ? Et il est clair que, dans ces éléments divers, l'existence d'un contrat de bail est évidemment un indice assez décisif. Mais ce n'est qu'un indice, ça ne peut pas à lui seul forger ou non la domiciliation. La commune ne peut pas dire « vous n'avez pas de bail à me montrer, donc je ne vous domicilie pas ». Non, la commune peut dire par contre « si vous n'avez pas de bail à me montrer, bon, c'est embêtant parce que ça au moins ça aurait démontrer de manière éclatante votre séjour dans tel lieu, mais c'est pas grave, prouvez-le-moi par d'autres biais. Voilà ce que la commune peut dire, et à vous alors d'apporter d'autres types de preuves. Alors je répète, hein, ça peut être des témoignages, ça peut être le simple fait de payer des factures, ça peut être tout ce qu'on veut. Et on peut faire appel à la créativité, hein. Pardon ? Par exemple ? Par exemple ? Et il y a une appréciation un peu, je ne vais pas dire arbitraire, mais un peu subjective. Mais il appartient à la commune, attention, ça je ne l'ai pas dit, mais la commune, et c'est heureux, ne va pas acter de manière aveugle votre domiciliation. La commune doit faire un contrôle, ce qu'on appelle la visite domiciliaire. Et donc la commune ne peut pas, simplement sur base d'une absence, enfin d'une insuffisance de preuves, la commune ne peut pas dire « je ne vous crois pas ». C'est un peu maigre ce que vous me donnez, je ne vous inscris pas. Non, la commune doit de toute façon faire suivre votre demande d'une visite sur les lieux. Et c'est la visite classique, un agent de police qui sonne, est-ce que vous, dring, dring, est-ce que c'est bien vous ? Et alors là, il y a de tout, hein. Il y a des agents un peu zélés qui se contentent de voir une tête qui passe par la fenêtre et qui dit « ok, il habite là, clac, c'est bon ». Mais il y a des agents plus consciencieux qui veulent rentrer dans le bien. By the way, ils n'ont pas le droit, sans le consentement de l'intéressé. Il y a même des agents, dans certaines communes, on demande aux agents communaux, tant qu'à entrer dans le bien, mais de faire un petit contrôle de salubrité. Et donc, ils vont dire au bourgmestre, là, il faudrait peut-être prendre un arrêté d'inhabitabilité parce que j'ai vu que... Bref, il y a de tout. Mais au minimum, une visite doit se faire. Et la commune ne peut pas simplement refuser sur base d'une insuffisance à ses yeux de preuve. Voilà. C'était ça la question ? Oui, donc voilà, oui, le contrat de bail, ok, mais uniquement à titre d'élément parmi d'autres de preuve. Oui. Très bonne question aussi. Alors, la visite domiciliaire, je répète, l'agent communal n'a le droit à rien. En termes d'intrusion, dans le bien. Il a le droit à vérifier que vous habitez là, c'est-à-dire sonner et parler à la personne qui prétend habiter là. Demander son identité, ça oui. Mais il n'a pas le droit d'entrer. Et heureusement, pourquoi il n'a pas le droit d'entrer? Parce que c'est le domicile de l'habitant. On ne peut pénétrer dans le domicile de l'habitant que sur autorisation judiciaire. Donc, ce n'est que de l'accord de l'habitant que l'agent pourra rentrer. Et puis, à partir de ce moment-là, si l'occupant donne accord, alors là, c'est l'habitant qui dira ben, « entrez là ou n'entrez pas là, vous voyez telle pièce, pas telle pièce », mais il n'y a pas besoin d'entrer dans les lieux pour que l'agent remplisse sa mission. La mission de l'agent n'est pas de vérifier le bien, la mission de l'agent c'est de voir si cette personne habite là. Et il suffit de discuter avec cette personne sur le pas de la porte pour s'en assurer. Voilà. Et la seconde question, alors on va essayer de ne plus dire beau précaire parce que justement l'idée de la convention d'occupation précaire est de se démarquer du bail. Parce que si on tombe sous le coup du bail, comme je le disais, le bail c'est une loi impérative, c'est-à-dire une loi qui s'impose à la volonté des parties. Le contrat de bail dit blanc, mais la loi dit noir, qu'est-ce qui va s'appliquer? C'est le noir de la loi qui s'applique plutôt que le blanc du contrat. Donc, sur le plan des termes, il faut faire attention de ne pas prêter le flanc au risque qu'on essaye justement de conjurer. Alors, au niveau des conventions d'occupation précaire, c'est un rapport purement contractuel. Alors, c'est intéressant de dire qu'en effet, en matière de bail, on ne fait pas ce qu'on veut. La loi l'emporte sur le contrat, mais pour la convention d'occupation précaire, il n'y a pas de loi. Donc il n'y a pas de garde-fou légal, les parties font ce qu'elles veulent. En fait, la convention d'occupation précaire n'est pas une construction légale, mais une construction des juges. C'est les juges qui se sont dit, à force d'avoir des affaires qui leur sont soumises, ou un propriétaire, c'est toujours ça, hein, le propriétaire est confronté à une vacance immobilière, c'est-à-dire il veut faire des travaux, mais l'entrepreneur ne peut les commencer que dans 6 mois. Ou bien il y a une liquidation qui se passe, une liquidation de succession qui se passe mal, les héritiers se disputent et le bien reste bêtement vide. Ou alors un entrepreneur a fait faillite, etc. Ou alors le bien est mis en vente et ça prend du temps pour que l'acheteur trouve son prêt hypothécaire. Bref, il y a plein de situations où un bien reste stupidement inoccupé, ce qui amène le propriétaire à vouloir, pour un temps déterminé, malgré tout, en faire usage. Et il n'y avait pas jusqu'alors de dispositif juridique qui permet ça, un dispositif souple qui permet des occupations limitées dans le temps et qui permet surtout au propriétaire de mettre fin à l'occupation, de mettre fin à l'occupation rapidement. D'où les juges se sont dit, on va nous-mêmes combler le trou de la loi et on va permettre des conventions d'occupation temporaire. Bon, c'est très chouette, c'est très sympa, c'est très souple, mais ce n'est pas régi par la loi, donc ça veut dire que c'est la loi du plus fort. Quand il n'y a pas de loi officielle, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Ça, vous connaissez le proverbe, entre le fer et le fort, entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi libère. S'il n'y a pas de loi, le rapport de force peut s'exprimer à plein. Et en effet, celui qui est dominant, le propriétaire, peut imposer ce qu'il veut. Alors que dans un cadre de bail, le propriétaire ne peut pas imposer ce qu'il veut. Dans un cadre de contrat de travail, il ne peut pas non plus imposer ce qu'il veut. D'où il faut être vigilant. Maintenant, il y a des conventions d'occupation précaire type qui circulent, hein, que la région bruxelloise promeut elle-même via l'agence d'occupation. Donc, on essaye par la convention type d'un petit peu rééquilibrer le rapport de force. Mais il n'empêche, c'est pour ça qu'il y a des sociétés privées uniquement mues par la perspective de faire des bénéfices qui passent des conventions d'occupation précaire qui sont déséquilibrées. On peut songer à Lancelot, Camelot, Entracte. Ce sont des sociétés privées, alors elles ont le droit. On est quand même dans un état de droit. elles ont le droit de faire des conventions qui n'ont en quelque sorte rien de social, où il faut payer relativement cher, où on interdit la domiciliation. C'est illégal d'interdire la domiciliation. Donc il y a de tout dans les conventions d'occupation temporaire. Donc il faut être bien armé pour négocier. Alors que dans un contrat de bail, au fond, tout est déjà imposé par la loi. Hein. Dans le contrat de bail, il n'y a plus que la case durée à remplir, la case loyer, mais sinon, je caricature un peu, tout le reste est déjà décidé par la loi. Voilà. Alors, je réponds à toutes les questions. Hein. Oui, vas-y. Donc, j'ai pas mal compris. Dans le cas de la convention du patient, ce n'est pas un problème. Maintenant, peut-être j'en profite pour préciser que si la convention est dérégulée, le bail, lui, l'est. Or, vous me voyez venir, enfin, le législateur a vite vu le risque de dérive, ce serait trop facile pour un propriétaire de passer par le véhicule convention pour s'affranchir de la sévérité des règles du bail. Ce serait trop facile pour un propriétaire de dire « carpe, je te baptise lapin », c'est-à-dire « ok, dans les faits c'est du bail, mais je vais plutôt dire que c'est de la convention d'occupation, comme ça il n'y a plus de règles, plus de durée de préavis, plus de durée minimale, pas besoin de mettre la garantie sur un compte bloqué, bref, je demande ce que je veux ». Le risque, il est évidemment là, et pour prévenir ce risque, les juges ont toujours le pouvoir de requalifier une convention qui serait en fait un bail déguisé. Donc, il n'appartient pas aux parties de mettre l'étiquette juridique sur leur contrat. Quand il y a des lois impératives qui s'imposent, le contrat, la convention, sera régie par la loi qui correspond le plus à la vraie situation des parties. Donc, si dans les faits, les parties à la convention sont dans une relation de bail, c'est-à-dire il y a une durée fixe, un loyer relativement cher, une garantie sur un compte bloqué, des délais de préavis longs, des motifs limitatifs sur base desquels le propriétaire peut mettre fin à l'occupation, si tous les éléments réels de la relation ressemblent à du bail, le juge va dire, écoutez les amis, on n'est plus dans une convention, hein, faut être honnête, ce que je vois me fait penser à un bail, donc le juge peut dire, cette convention, eh bien, je la rebaptise bail, et hop, toutes les règles du bail s'appliquent à la réalité de la situation en présent. Et donc, le propriétaire ne fait pas tout ce qu'il veut. Mais si on est vraiment dans un cas précaire de convention, avec des délais plus ou moins réduits, pas de motif de préavis, bref, alors là, le propriétaire fait tout ce qu'il veut. Voilà. Ouais, moi, j'avais encore une question sur la domiciliation, mais dans l'autre sens. Jusqu'ici, si domicilier quelque part, ça permettait de se protéger par le droit de certaines protections juridiques, finalement. Est-ce que ça sera toujours le cas dans le cadre de la loi ? Alors. C'est bien de le dire. Hein. Pourquoi j'hésite ? Parce que il y a un flou. Alors, c'est pas moi qui l'entretiens. Hein. Il existe déjà. Quand le code pénal dit à l'heure actuelle vous êtes protégé. Si vous avez votre domicile, la loi ne dit pas uniquement, elle ne dit pas vous êtes protégé uniquement si vous avez une inscription administrative dans le registre de la population. Donc, pour moi, on peut très bien être protégé sur le plan pénal par son domicile, même sans avoir une inscription domiciliaire à la commune. Parce que le code pénal ne dit pas inscription domiciliaire. Inscription administrative, le code pénal dit domicile. Mais il est clair qu'une inscription domiciliaire communale est un indice majeur pour prouver au niveau pénal la domiciliation. Donc le premier conseil à faire à donner aux squatteurs, c'est évidemment de concrétiser leur domicile par une inscription administrative, de la formaliser. Parce que sans cette inscription formelle, à mon sens, la protection pénale joue toujours, mais elle est moins forte. Alors, est-ce que la nouvelle loi va changer ? La nouvelle loi, elle va changer, en tout cas, dans le sens où, avant même que le squatteur puisse invoquer la violation de domicile, de son domicile, il pourra être poursuivi par une infraction première, chronologiquement, puisqu'il est entré dans le logement d'autrui, dans le bien d'autrui, même inhabité. Donc ça, la nouvelle loi revient, en d'autres termes, à priver la protection de la vie privée du squatteur. Le squatteur ne pourra plus, comme maintenant, comme on a eu de manière emblématique au squat du 103 boulevard de Waterloo, qui appartient toujours à l'église de Scientologie, les squatteurs s'étaient domiciliés de manière administrative, et hop, les vigiles, les gros bras sécuritas américains privés de l'église de Scientologie débarquaient pour mettre tout le monde manu militari, et c'est la police d'Yvan Mayer qui a dû venir protéger les squatteurs. Ce qui était difficile à comprendre par l'équipe de gros bras diligentée par l'église de Scientologie. C'est sûr que ce pouvoir de faire appel à la police parce que le domicile des squatteurs est violé, ce pouvoir-là, avec la nouvelle loi, va disparaître. Parce que, en amont, les squatteurs auront porté atteinte au domicile d'autrui. On va d'abord réprimer l'infraction qui vient en premier dans l'ordre chronologique. Mais la nouvelle loi ne va rien changer quant à l'inscription administrative commune. Je pense par exemple aux requêtes unilatérales. Maintenant, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui quand il n'y a pas de domicile établi. Mm-hmm. Est-ce que là, ce sera toujours le cas? Donc, si je me domicilie, est-ce que je me mets à l'abri d'une requête unilatérale? C'est un autre loi qui prévoit. Oui, donc ça. Donc ça me dit mon domicile, en fait, le fait que je rentre sans titre ni droit. Dans un lieu inhabité ou non. Voilà. Ça me prévient de pouvoir me domicilier là de toute façon. Voilà. De te domicilier au sens du code pénal, ça te prévient, ça te prive du droit d'invoquer un code pénal si on rentre chez toi. Et ça, c'est évidemment un changement majeur. Et c'est pour ça que le Conseil d'État dit le domicile est protégé par les conventions internationales. On ne fait pas ce qu'on veut avec ça. Mais, en théorie, ça ne va pas te priver du droit d'aller à la commune et de demander ton inscription administrative. Mais l'inscription administrative ne protège pas, en fait. C'est difficile à comprendre, parce qu'il y a plusieurs lois qui se chevauchent, mais qui n'ont pas les mêmes portées. L'inscription communale n'est pas une garantie contre expulsion. Ça, c'est très clair. L'inscription communale ne sert qu'une et une seule finalité, c'est savoir statistiquement qui est où. Et par extension, d'ouvrir le jeu normal des droits sociaux, l'exercice des allocations sociales. Parce que pour savoir, dans les allocations sociales, pour savoir à qui on donne, quelle est la CPS compétence, il faut savoir qui habite où. Mais l'inscription domiciliaire communale n'est pas une garantie contre l'expulsion. L'inscription communale ne va pas vider l'occupation de son illégalité, ne va pas la purger de son illégalité. Mais c'est quand même pas... Ce qui nous prévient d'une expulsion arbitraire, c'est le fait que le lieu soit un domicile. Ouais. Et l'inscription communale, c'est juste un signe très probant d'une effective, voilà. Domicile effectif, même si ce n'est pas une preuve de domicile effectif. Si je vais dans un tribunal et je me fais expulser sans être prévenu, etc., et que je peux montrer que j'ai domicilié à la commune, c'est quand même. Ça ne change rien. Ça change rien. Même si l'ancienne loi, ça ne change rien parce que ton inscription administrative n'est pas un garde-fou contre l'expulsion. Et par expulsion unilatérale, tu veux dire venir avec des chiens et forcer le passage et mettre tout le monde dehors de manière violente. Alors, oui, bon, c'est pas facile. Hein. Alors, tu peux invoquer ton domicile pénal au sens du code pénal. Et le domicile pénal, j'ai dit, il n'y a pas de lien automatique avec l'inscription administrative, mais il n'en reste pas moins que c'est plus facile de prouver que tu habites là au sens du domicile pénal si tu as l'inscription communale. Mais ça ne va pas empêcher l'expulsion civile. C'est-à-dire, si tu n'habites pas dans un lieu autorisé, le propriétaire, sur le plan civil, peut t'expulser. Il pouvait déjà t'expulser avant. Donc, la nouvelle loi, elle ne va pas introduire la possibilité d'expulser civilement. Non, elle introduit par contre une infraction pénale qui va pouvoir te faire condamner à des peines d'emprisonnement. Et là, on est dans du pénal. Donc, avant, il y avait déjà une procédure civile pour vous faire expulser. La nouvelle loi ne va pas changer grandement cette expulsion civile, si ce n'est que la nouvelle loi va accélérer l'expulsion civile en permettant au procureur d'ordonner l'expulsion en réduisant les délais, etc. Et second volet, c'est qu'en plus de ça, sur le plan pénal, on peut avoir un emprisonnement. Donc ce sont deux volets différents. Vous pouvez être condamné à l'expulsion sur le plan civil, plus après, même si vous n'êtes plus dans les lieux, vous êtes condamné au pénal à une peine d'emprisonnement. Tout ça n'est pas très réjouissant, hein. Je suis désolé d'avoir fait tomber l'ambiance, mais ce n'est pas moi qui ai pondu cette. Il y a une question d'un enfant qui habite en deux, donc elle n'a pas l'avantage, je suis en train de discuter, il y a déjà des amendements qui sont arrivés. Pour les enfants qui habitent en deux, est-ce que nous, de notre côté, il y a une possibilité d'agir, est-ce qu'il y a une commission? Est-ce que ça va passer en commission par rapport à ce qu'il y a de... Ils discutent chacun séparément, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour vous de donner notre avis? Alors bon, ça, je ne vais pas faire des cours de stratégie politique, mais vous avez tous vaguement des parlementaires un peu amis qui suivent les matières, que vous pouvez mobiliser. Enfin, tous, ce n'est pas très très compliqué à nouer ce genre de réseau. Les parlementaires sont désireux d'avoir des échos du terrain qui relayent. Mais cette loi va être discutée et en commission et en assemblée plénière. Ce sont deux moments où l'opposition peut se faire entendre. La majorité, non, ça j'y crois pas, parce que le ministre qui porte ça, le ministre Gaines, est du CDNV, qui est le parti le plus à gauche du gouvernement. Donc la majorité fait bloc. C'est là où je dis qu'il y a un élément neuf par rapport aux propositions de loi d'avant, c'est que là c'est un vrai projet de majorité. Et donc il faut que l'opposition soit vent debout pour parvenir à, espérons-le, entraver le vote parlementaire. Alors ce ne serait pas la première fois que l'opposition parvient à bloquer un texte de loi, mais il faut pour ça que ça fasse du ramdam, que ça fasse du raffut. Et pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de raffus. Sauf ça, ici, c'est vraiment un contre-exemple, mais il faut multiplier ce genre de lieux. Mais au niveau de la commission. Normalement, ils peuvent interpeller des experts. Tout à fait. Et comment faire pour pouvoir pénétrer ce milieu-là ? Alors, on est encore en démocratie. Donc, ça veut dire que si toutes les propositions peuvent être faites en commission, d'inviter des experts ou des gens de terrain, et ça se fait très souvent, mais in fine, il faut un vote démocratique de la commission pour faire venir des gens. Mais puisque c'est la majorité qui est derrière, donc, sans trop rentrer dans le détail du fonctionnement du Parlement, le gouvernement, il est gouvernement que parce qu'il a une majorité de parlementaires derrière lui. C'est pour ça que les lois sont votées, c'est pour ça que les lois issues de projets de loi sont votées. Eh bien, cette majorité parlementaire, elle est dupliquée au sein de la commission. Au sein de la commission, allez, il y a par exemple 15 députés dans la commission, là, ce sera la commission justice, mais dans cette commission parlementaire justice, le gouvernement a aussi la majorité. Donc il y a par exemple 8 ou 9 députés de la majorité dans la commission justice. Donc pour que la commission décide de faire venir des experts, il faut qu'on ait une décision de la commission qui acte cette décision. Or, si la majorité ne veut pas inviter les experts, la majorité, donc le gouvernement, dira aux parlementaires de la majorité dans la commission de voter contre la demande d'inviter des experts. Oui, c'est très compliqué. Il faut aller sur le site de la Chambre, voir qui compose, s'il y a Internet ici, s'il y a Wi-Fi. Moi, j'ai mon ordinateur, on peut faire ça ensemble, quasi, hein, en temps réel. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Mais je ne sais pas où en est la discussion de la loi. Est-ce qu'elle est toujours en commission? Est-ce qu'elle est dans l'Assemblée plénière? Ça, il faut aller se renseigner. Mais... bon, je vous apprends rien en disant que les partis qui sont susceptibles de porter ce genre de demande, c'est Écolo, Écolo Groen, ils forment un seul groupe au Parlement fédéral, Écolo Groen, le PS, SPA. À ma connaissance, il n'y a pas de député, les députés PTB au fédéral. Bon, bref, tout ça, il faut un peu organiser, quoi. Et en termes de recours, est-ce qu'il y a une possibilité de recours? Alors, à la fois, la démocratie est souveraine, mais il y a un garde-fou. Alors ça veut dire quoi? À la fois, la démocratie est souveraine, ça veut dire que ben, on a le gouvernement qu'on mérite. C'est nous qui les avons élus. Nous, on s'entend. Une fois que le Parlement s'exprime, il s'exprime, c'est la volonté du peuple, en tout cas des représentants du peuple. C'est difficile de dire juste après, ah oui, mais... moi, petite minorité, enfin, ou minorité, je ne suis pas d'accord, donc je ne veux pas que cette loi soit appliquée. Non, ça, c'est une majorité, il y a eu des élections, il faut bien respecter le résultat des élections. Même si on n'est pas d'accord, et même s'il y a une forte minorité de gens pas d'accord, à un moment donné, la démocratie, c'est quand même l'imposition de l'expression de la majorité. Mais il y a quand même un garde-fou, disais-je, en ce sens que... on s'est rendu compte qu'une démocratie vue sous cet angle-là était porteuse de dérives, puisque on a au-dessus de la loi la Constitution. Et encore au-dessus de la Constitution, on a les conventions internationales. Et donc, il y a une trentaine d'années, on s'est dit, on ne peut quand même pas, même s'ils sont élus, lâcher complètement la bride sur les représentants du peuple. Ils peuvent faire des conneries, ils peuvent faire des lois qui violent des lois supérieures, la Constitution, les conventions internationales. Et donc, il y a 30 ans, on a instauré une juridiction qui est au-dessus des parlementaires, qui s'appelle la Cour constitutionnelle, et qui est chargée d'annuler des lois qui violeraient des normes supérieures. Constitution, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et donc si, malgré tout, une loi de ce type-là devait être votée, le recours, mais c'est le dernier, le recours, c'est de demander l'annulation auprès de la Cour constitutionnelle. Et heureusement, chaque jour ou presque, la Cour annule des lois qui violent la Constitution, qui violent les conventions. Mais pour ça, alors, il faut faire un recours dans les 6 mois de la publication de la loi Bonnefoy. Mais heureusement, ça se fait, et parfois, il y a des belles annulations, parce que sinon, en eux-mêmes, les parlementaires n'ont pas de contrôle. Certes, le Conseil d'État dit « attention, c'est illégal », mais je l'ai dit, le Conseil d'État ne donne qu'un avis qu'on peut... le cas échéant, négligé. La Cour, elle, c'est un avis, c'est un arrêt. Et donc, la Cour peut annuler des lois anticonstitutionnelles. Et la protection du domicile est aussi dans la Constitution. N'importe qui. Ça, c'est la grandeur de notre système démocratique. Tout comme n'importe qui peut être faiseur de loi en se présentant aux élections étant élu, eh bien, n'importe qui peut être annulateur, détricoteur de loi. Ça a un coût. Il y a des avocats, mais il y a des avocats, bon, il y a des prodéos, il y a des avocats payés par des associations. Attendez, pas tous à la fois parce que. Mais il faut se faire aider par les assos. Hein. Il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le Rassemblement pour le droit à l'habitat, il y a des associations qui viennent en aide aux Roms. Le tissu associatif est très large. Alors, juste pour vous donner un petit truc, une ficelle de stratégie, les assos ne rechignent pas à aller en justice pourvu que la cause soit significative, comme on dit. C'est un peu un concept qui a cours dans ce domaine-là, les associations ne vont pas aller en justice pour défendre n'importe quelle personne dans n'importe quel type de contentieux. Non, elles vont aller en justice parce qu'elles jugent la cause significative. C'est vraiment le terme. Significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cause qui met en lumière une injustice particulièrement flagrante. Et elles se disent, si on gagne en justice, on va dénouer un nœud important. Si la cause ne paraît pas significative, alors vous n'aurez pas d'aide en justice. Je caricature, mais c'est un peu comme ça. Et donc, il faut parvenir à montrer que derrière l'intérêt d'un seul, d'un plaignant, il y a un enjeu de société qui touche tout le monde. Que les fondements même de notre société sont potentiellement ébranlés par cette loi, par cette affaire. Et donc, il faut présenter l'affaire sous cet angle-là. Et ce n'est pas une condition suffisante, hein, mais c'est une condition en tout cas nécessaire pour obtenir de l'aide. Oui. Aller en justice. Le contrat est la loi des parties. On a un beau système de droit qui fait que, à la base, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, tu peux faire n'importe quel contrat avec n'importe qui et, en cas de non-respect, tu peux aller en justice, sauf si le contrat touche aux bonnes vies et aux mœurs, ou si tu réclames de la part d'un client, toi tu es tueur à gages et tu réclames l'exécution du contrat, c'est-à-dire le fric qu'on t'a promis, t'as buté le bonhomme, et voilà. Ça, tu peux pas, parce que tu ne peux pas en justice te prévaloir de ta propre turpitude, dit l'adage latin. Mais au-delà de ce cas de figure de l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, tu peux réclamer en justice l'exécution de n'importe quel contrat. Le contrat est la loi des parties. Sauf si maintenant, on a par-dessus des lois dites impératives et à plus forte raison, des lois dites d'ordre public qui, elles, ont pour mission, justement, de tordre la main des parties, de dire, attention, dans le cadre du travail, dans le cadre du logement, il y a un tel déséquilibre à la base que si la loi ne met pas des balises, le contrat ne sera plus l'expression d'un rapport de force d'égalité, non, d'un rapport égalitaire, non, le contrat sera la consécration dans le bronze du déséquilibre, et ça, on ne veut pas. L'agence n'est plus présente. Oui, ça ne vaut que pour Bruxelles. Oui. Maintenant, on peut imaginer, je ne sais pas, il faut leur demander. Hein. Ce sont des gens très sympas au demeurant, hein, mais il y a peut-être moyen de donner des conseils de manière un peu plus étendue. C'est un peu informel hein, comme agence. Ils n'ont pas des bureaux flambants neufs avec des beaux ordinateurs. Ça se passe dans les bureaux de la FEBU. Ce sont des gens de bonne volonté et... Pourvu que ça reste encore un stade un peu informel, je vois bien la fébule donner quelques conseils en sous-main, hein, ça y a pas. Mais parfois on a du mal à s'assembler pour pouvoir trouver des nouvelles actions pour une seule raison. J'ai pas bien compris, on a du mal. Ça s'assembler pour être efficace en termes d'action. Ouais. J'en ai déjà touché un mot tantôt. Hein. Bon, à l'époque, vous la connaissez sans doute, mais un relais qui était parfait pour ça, c'était Zoé Genoux, de chez Ecolo. Elle était très sensible à tout ça. Elle était très pugnace en débat parlementaire. Et c'était vraiment la courroie de transmission rêvée. Maintenant, elle n'est plus au fédéral, elle est à la région, donc ça, c'est fini. Par ailleurs, le Parti écolo s'est fait laminer aux élections, donc il faut aller voir, il faut voir quels sont les parlementaires. Et c'est super facile de rentrer en contact avec les parlementaires parce que ce sont vos élus, donc ils sont censés être à votre écoute. La liste est sur Internet, leur adresse Internet est sur Internet. Moi, j'en connais l'un ou l'autre, je peux donner les coordonnées. Mais c'est plus ou moins la dernière possibilité de faire du lobby. On n'est plus en amont dans la rédaction de la loi, non. Là, on est au stade de la discussion, et donc bientôt du vote. Donc il faut aller très vite. Normalement, il y a d'abord, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de la mobilisation associative, mais d'abord, on constate que on va d'abord sensibiliser les associations qui, elles, peuvent fédérer, peuvent démultiplier la gronde. Mais maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps de passer par cette phase préalable de l'intermédiation associative. Il faut aller très vite et saisir les parlementaires en direct, quasi de manière individuelle. Alors, les associations peuvent évidemment accompagner, mais moi je ne perdrai plus, si tu me demandes un conseil de stratégie pure, je sauterai l'étape de l'intermédiation associative. Il ne faut pas déjà préparer le recours à la Cour constitutionnelle. Ouais, mais ça on a le temps, il y a 6 mois. Donc, quand la loi est votée, elle n'est pas publiée directement au Moniteur. Ça dépend un petit peu de l'engorgement qu'il y a au Moniteur belge. Hein. Bêtement, il faut imprimer ce truc. Je dis comme ça, mais est-ce que les presses tournent encore comme ça? Je sais pas. Mais bon, il y a encore un peu de temps. Une fois que la loi est votée, il y a minimum 6 mois, et à mon avis, ce sera 8 mois. Donc, moi, je ne mettrai pas du temps maintenant déjà pour concevoir un recours. Non. J'organiserai ce temps-là pour faire comme maintenant, ce genre de rencontre d'information, que tout le monde soit au courant, qu'on envoie des mails. Alors moi, personnellement, j'ai été saisi par, alors ça ne s'appelle plus le VOB, avant c'était le Vlaams Overleg Bewoners, donc la plateforme de concertation, maintenant ils ont changé de nom, c'est Urders Platform, je crois. C'est l'équivalent du RBDH pour Bruxelles, du RWDH maintenant en Wallonie. Alors, réseau belge de lutte contre la pauvreté, il faut activer tout ce qu'on peut. Et je trouve que la mobilisation est un petit peu poussive pour l'instant. Au niveau de l'associatif, alors c'est normal, hein, y a 1000 combats à mener, attention, je fais absolument aucun reproche, surtout que moi-même, je suis bien à l'aise, confortable dans mon bureau. Donc, mais je dis juste, il faut mettre le turbo maintenant et ne pas hésiter, le cas échéant, à interpeller directement des parlementaires sans nécessairement attendre une grande action, multi-association, tous les réseaux qui se fédèrent, très important en soi, mais ne pas l'attendre pour déjà agir. Simplement, je voulais ajouter un petit élément par rapport à ce que Nicolas vient de dire. Et sorry, c'est pas très encourageant, mais je pense que les chances de prendre un blocage de la loi sont extrêmement limitées, effectivement. Il faut taire, les capacités d'opposition à bloquer les projets environnementaux sur des enjeux, je mets plein d'immets. Qui avait le soutien de la société civile, etc., n'ont pas marché. Ici, on est sur un enjeu qui est plus compliqué à mener. Il y a toute une série d'associations qui se soutiennent, etc., mais l'opinion publique n'est pas a priori, fortement soutenir les exploiteurs dans la communication et qu'il y a un vrai travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Ça ne coûte pas grand chose d'essayer d'interpeller les parlementaires. Alors, moi je ne peux pas engager le réseau comme ça maintenant dans la seconde, mais on a déjà vu un texte d'interpellation qui avait été coécrit par Bayon, Cécile Roussel, sur l'encouragement, et puis co-signé par toute une série d'autres personnes. Bon, là, on est dans autre chose, il fallait plus vite, mais on peut. Moi, je suis à l'écoute, en tout cas, je peux rester disponible si à un moment donné on peut aider dans le contact avec les parlementaires, etc. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas déjà notre énergie pour l'état suivant, mais il faut dire que, d'un nouveau, il n'y a rien à perdre à contacter les parlementaires et à prendre des choses. Voilà, au pire, ça ne fait pas. Pour moi, tout à fait.